Première partie, chapitre 1 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune par Louise Michel. Première partie, l'agonie de l'Empire. Chapitre 1, le réveil. L'Empire s'achevait. Il tuait à son aise. Dans sa chambre où le seuil avait l'odeur du sang, il régnait. Mais dans l'air soufflait la Marseillaise. Rouge était le soleil levant. L.M. Chanson des Géoles. Dans la nuit d'épouvante qui depuis décembre couvrait le Troisième Empire, la France semblait morte. Mais aux époques où les nations dorment comme en des sépulcres, la vie en silence grandit et ramifie. Les événements s'appellent, se répondent pareil à des échos, de la même manière qu'une corde en vibrant en fait vibrer une autre. Des réveils grandieux succèdent à ces mots apparents alors et éclatent les transformations résultées des lentes évolutions. Alors des effluves enveloppent les êtres, les groupes, les portent. Si réellement que l'action semble précéder la volonté, les événements se précipitent. C'est l'heure où se trempent les cœurs comme dans la fournaise l'acier des épées. Là-bas pour les cyclones, quand le ciel et la terre sont une seule nuit où râlent comme des poitrines humaines, les fleux lançant furieuses aux rochers, leurs griffes blanches d'écume, sous les hurlements du vent, on se sent vivre au fond des temps, dans les éléments déchaînés. Pour les tourmentes révolutionnaires, au contraire, l'attirance est en avant. L'épigraphe de ce chapitre rend l'impression qu'éprouvait à la fin de l'Empire ceux qui se jetaient dans la lutte pour la liberté. L'Empire s'achevait, il tuait à son aise. Dans sa chambre où le seuil avait l'odeur du sang, il régnait, mais dans l'air soufflait la Marseillaise. Rouge était le soleil levant. La liberté passait sur le monde. L'international était sa voix, criant par-dessus les frontières, les revendications des déshérités. Les complots policiers montraient leur trame ourdie chez Bonaparte. La République romaine égorgée, les expéditions de la Chine et du Mexique découvrant leur hideux dessous, le souvenir des morts du coup d'État, tout cela constituait un triste cortège à celui que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit. Il avait du sang jusqu'au ventre de son cheval. De partout en raz-marée, la misère montait, et ce n'était pas les prêts de la société du prince impérial qui y pouvaient grand-chose. Paris pourtant payait pour cette société de lourds impôts, et doit peut-être encore 2 millions. La terre entourant l'Élysée en fait, la légende du premier empire, les fameux 7 millions de voix arrachées par la peur et la corruption, formées autour de Napoléon III, un rempart réputé inaccessible. L'homme aux yeux louches espérait durer toujours. Le rempart pourtant se trouvait de brèche, pour celle de Sedan enfin passa la révolution. Nul parmi nous ne pensait alors que rien pût égaler les crimes de l'Empire. Sedan et le nôtre se ressemblent suivant l'expression de Rochefort, comme deux gouttes de sang. Dans cet enfer, comme aujourd'hui, les poètes chantaient l'épopée qu'on allait vivre et mourir. Les uns en strophes ardentes, les autres avec un rire amer. Combien de nos chansons d'alors seraient d'actualité? Le pain est cher, l'argent est rare. Haussmann fait hausser les loyers. Le gouvernement est avare. Seuls les mouchoirs sont bien payés. Fatigués de ce long carême qui pèse sur les pauvres gens, il se pourrait bien tout de même que nous prenions le mot aux dents. Dansons la Bonaparte. Ce n'est pas nous qui régalons. Dansons la Bonaparte. Nous mettrons sur la corde les violons. J.B. Clément. Les mots ne faisaient pas peur pour jeter à la face du pouvoir ces ignominies. La chanson de la Badinguette fit hurler de fureur les bandes impériales. Amis du pouvoir, voulez-vous savoir comment Badinguette, d'un coup de baguette, devint par hasard Madame César, la belle au fin fond de l'Espagne, habitée. Ah, la buveuse de champagne, qu'elle était, amie du pouvoir, etc. Que mon peuple crie ou blasphème, je m'en fous. Qui fut mouchoir en Angleterre, puis bourreau, peut bien s'en déroger, se faire maquer. Amis du pouvoir, etc. Henri Rochefort. Parmi les souvenirs joyeux de nos prisons et la chanson de la Badinguette chantée un soir à pleine voix par cette masse de prisonnières que nous étions au chantier de Versailles, entre les deux lampes fumeuses qui éclairaient nos corps étendus à terre contre les murs. Les soldats qui nous gardaient et pour qui l'Empire durait encore eurent à la fois épouvante et fureur. Nous aurions, hurlait-il, une punition exemplaire pour insulte à S.M. l'Empereur. Un autre frein, celui-là ramassé par la foule, en secouant les loques impériales, avait également le pouvoir de mettre en rage nos vainqueurs. À deux sous, tout le paquet, le père, la mère badingue et le petit badingué. La conviction de la durée de l'Empire était si fort encore dans l'armée de Versailles que, comme certainement bien d'autres, j'en pus lire sur l'ordre de mise en jugement qui me fut signifié à la correction de Versailles. Vu le rapport et l'avis de M. le rapporteur et les conclusions de M. le commissaire impérial, tendant au renvoi devant le 6e conseil de guerre, etc. Le gouvernement ne pensait pas que ce fût la peine de changer la formule. Longtemps la résignation des foules à souffrir nous indigna pendant les dernières années tourmentées de Napoléon III. Nous, les enthousiastes de la délivrance, nous la vîmes si longtemps d'avance que notre impatience était plus grande. Des fragments me sont restés de cette époque. À ceux qui veulent rester esclaves, puisque le peuple veut que l'aigle impérial plane sur son abjection, puisqu'il dort écrasé sous la froide rafale de l'éternelle oppression, puisqu'ils veulent toujours, eux tous, que l'on égorge, tendre la poitrine au couteau, forçons, ô mes amis, l'horrible coupe-gorge. Nous délivrerons le troupeau, un seul et légion, quand il donne sa vie, quand à tous il a dit adieu, seul à seul nous irons, le das terrifie, nous avons le fer et le feu. Assez de lâcheté, les lâches sont des traîtres. Foule, ville, bois, mange et dors, puisque tu veux attendre, attends, les chants tes maîtres, n'as-tu donc pas assez de morts, le sang de tes enfants fait la terre vermeille, dors dans le charnier ou mieux sourd, dors voici s'amasser, abeille par abeille, l'héroïque essaim des faubourgs, Montmartre, belle ville, ô légion vaillante, venez, c'est l'heure d'en finir, debout, la honte est lourde et pesante les chaînes, debout, il est beau de mourir, elle aime. Oh, combien il y avait longtemps qu'on eût voulu arracher son cœur saignant de sa poitrine pour le jeter à la face du monstre impérial. Combien il y avait longtemps qu'on disait, froidement résolu, sévère des châtiments. Oh, Modus, c'est l'heure, tu peux frapper cet homme avec tranquillité. Ainsi on lui fait, comme on ôterait des rails, une pierre encombrante. La tyrannie alors n'avait qu'une tête. Le songe de l'avenir nous enveloppait. L'homme de décembre nous semblait le seul obstacle de la liberté. Fin de Le Réveil.